meilleur. Tout le monde gagne à se servir de la science, mais reste à voir comment faire bon usage de ses connaissances. Je manie et je braque mes lumières, mon savoir-faire en service pour dénoncer l'heure de merde. Je suis chargé à bloc, je déraille, je m'affaire, je lutte par chez nous, y'a beaucoup trop de manières. Boycotte l'état de toutes les manières. Moi et mes partenaires, style à part façon, rêve de pas faire. Gare à la paire, travaille tes becs en tapant des PS avec tes potes. Ça part en dessus, c'est sûr. Mais qui est le plus omnibulé à briller avec de beaux billets? On trie, mais les heures durent comme tout le prisme à brûler. Une ambiance bouillante, passe-moi le mic que je sois bruyant. Face à des idées brouillons, des propos brûlants. D'un ministre devenu président, en sang. Rien n'est possible avec mon possible. Des milliers d'autres gens crachent sur ton slogan. Je dis certes pour un nouveau regard. Et les gars, faut pas qu'on s'égare face à nous, gare à la gare. Au contraire, faut qu'on se resserre. Mon cerveau est tisseur pour rimer bien viscère. Je dis certes pour un nouveau regard. Et les gars, faut pas qu'on s'égare face à nous, gare à la gare. Au contraire, faut qu'on se resserre. Mon cerveau est tisseur pour rimer bien viscère. Époque de fou, faut des sous, tout le monde s'en fout. L'avenir est flou, dans ces programmes sans fond et rempli de faux. Il faut bien interpréter l'info, car au royaume de la bêtise y'a foule. Trop on les boules, une minorité à boire en or les couilles. Hélas, une majorité à se serrer les coudes. On attend tous notre tour, faire nettoyer ces trous pour que ce monde change un bon coup. Et ouais, vos partis ne m'attirent pas beaucoup. Et votre pouvoir nous offre un du tout. On nous pousse à bout, les gens, les politiques vous flûtent. Mes chutes, fume pichon, t'es n'embête pas la République. Pour être tête, j'en suis sur leur discours. Sans effort, fort, c'est véridique, dick. Je vous fuck, fuck, m'applique. Et si ma réplique, plique, à l'aide de mon big, big. J'dis certes pour un nouveau regard. Et les gars, faut pas qu'on s'égare face à nous, gare à la gare. Au contraire, faut qu'on se resserre. Mon cerveau est tisseur pour rimer bien viscère. J'dis certes pour un nouveau regard. Et les gars, faut pas qu'on s'égare face à nous, gare à la gare. Au contraire, faut qu'on se resserre. Mon cerveau est tisseur pour rimer bien viscère.